إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى تفسيرنا لسورة الطور. وقد رأينا في الجمعة الماضية بعض نعيم أهل الجنة أيضا، وما أعدهم الله سبحانه وتعالى من الملذات، وأنهم على سرر متكئون، ينظر بعضهم بعضا ويتحدث بعضهم لبعض، ويتذكرون ما كانوا في هذه الدنيا من التعب والشقاء، وقاسوا ذلك التعب بالنعيم المقيم الذي هم فيه في الجنة، وسلامهم أو تحيتهم سلام وهم بين الجنان وبين الأنهار والفواكه. ثم ذكر الله عز وجل بعض ما ينتقم الكفار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون إننا نتربص أي ننتظر حتى يموت، فهو شاعر كالشعراء الذين سبقوه، فنحن لا نعتدي عليه وإنما نتركه حتى يموت وينتهي أمره وينساه الناس. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل انتظروا أو قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ثم قال الله جل وعلا: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أي يقولون هؤلاء الكفار إن النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن وجاءه من عند نفسه، والتقول هو الكلام الذي لا أصل له، أي يقولون إن محمدا افتراه من عند نفسه. والحقيقة والسبب الحقيقي لإعراضهم عن دين الله سبحانه وتعالى، وإعراضهم عن الإيمان بالله، وإعراضهم عن الشهادة بأن محمدا رسول الله، السبب الحقيقي ما قاله الله: بل لا يؤمنون، أي هو عدم إيمانهم بالله وبما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم كذبوا في قولهم. كذبوا في قولهم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن من عنده، والدليل على ذلك الآية التي تأتي بعدها، حيث قال جل وعلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أي إن كانوا صادقين أنه صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن، فليأتوا بحديث مثله، لأنه واحد مثلهم وواحد منهم، لسانه صلى الله عليه وسلم لسانهم وهو اللسان العربي، ولغتهم لغتهم، ولغته لغتهم. ثم أثنى، ثم إنه أتى بهذا القرآن وقال: إن الله أوحاه إليه. فقلتم أيها الكفار والمشركون، قلتم كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل افتراه من عنده، فإن كنتم صادقين في ادعائكم هذا فأتوا بمثل ما أتى به. لكنهم عجزوا عن ذلك وما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فدل على أن القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لذلك يقول الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Nous continuons l'exégèse de la sourate At-Tur. Et lors du discours dernier, nous avions continué de décrire les délices dans lesquels seront les gens du paradis. Ils seront dans des jardins, sous des ruisseaux. Ils profiteront des délices et des plaisirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur aura réservés dans ce paradis éternel. Dans le paradis, ce paradis dans lequel il y a ce que nul œil n'a vu, ce que nul oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a ressenti. Ils également, ils parleront les uns des autres et s'échangeront des verres de vin, c'est-à-dire les gens du paradis, et se rappelleront les instants qu'ils ont vécu dans cette vie d'ici-bas, les instants de fatigue, des épreuves qu'ils ont dû surmonter, et de la crainte d'Allah Azzawajal qui a habité leur cœur. Ils se rappelleront de tous ces moments et compareront ces mini-supplices, si l'on peut dire comme cela, ou ces contraintes aux délices dans lesquelles ils seront au paradis. Et bien sûr, la récompense sera, comme nous l'avons dit la semaine dernière, disproportionnée par rapport aux efforts qu'ils auront produits. Puis Allah Azza wa Jalla a parlé des accusations des polythéistes envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le traitaient de poète, qui le traitaient de mensonger, qui le traitaient de sorcier. Et il disait, entre autres, laissez Muhammad mourir, ce n'est qu'un poète comme tous les poètes qui l'ont précédé. Viendra un jour où il mourra et dans lequel son nom sera oublié et plus personne ne parlera ni de lui, ni de son Dieu et ni de sa religion. Et Allah Azza wa Jalla a dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, attendez, et je fais partie avec vous de ceux qui entendent. Puis Allah Azza wa Jalla continue en disant, ou bien ils disent, il l'a inventé lui-même. Non, mais ils ne croient pas. Puis ils disent également, non, ce Coran que prétend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam être la parole d'Allah Azza wa Jalla n'est qu'une œuvre de ses mains, n'est qu'un ouvrage que lui-même a écrit. Et ce sont des paroles qui n'ont jamais été prononcées par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jalla a expliqué la cause de leur mécréance. Pourquoi est-ce qu'ils ne traitent pas le prophète sallam comme il se doit? Pourquoi? La véritable raison, c'est qu'ils ne croient pas sincèrement en Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils le prétendent avec leur bouche, mais ils ne le croient pas avec leur cœur. Et ainsi, sur la plupart des non-musulmans, ils disent avec leur bouche ce qui ne correspond pas à ce qu'il y a dans leur cœur. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُونَ اللَّهِ » Et si tu les questionnais, qui a créé les cieux et la terre, ils te diront, c'est Allah. C'est-à-dire qu'ils le diront avec leur langue, mais ils ne le croiront pas avec leur cœur. Car s'ils avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala, et au fait que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes et des cieux, le Seigneur de l'univers, eh bien, ils n'auraient pas hésité une seule seconde à croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la preuve que le Coran est bel et bien la parole d'Allah Azza wa Jal, et que ce ne sont pas des paroles inventées par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La preuve est le défi qu'Allah Azza wa Jal a lancé à l'ensemble des non-musulmans depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le défi est ouvert jusqu'à nos jours, et il sera ouvert jusqu'à la fin des temps, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit, eh bien, qu'ils produisent un récit pareil à lui, c'est-à-dire au Coran, s'ils sont véridiques. Eh bien, qu'ils apportent un Coran ou un texte similaire au Coran, s'ils sont véridiques, c'est-à-dire si le fait de prétendre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a écrit et est l'auteur de ce Coran, eh bien, apportez-vous aussi un Coran similaire, car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un être humain comme vous. Sa langue est la sienne, sa culture est sa langue est la vôtre, sa culture est la vôtre. Eh bien, lui prétend que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal, que c'est un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, et il a porté les preuves pour cela, et il a été soutenu par les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a affirmé. Mais vous qui prétendiez que ce Coran n'est qu'une invention, que ce Coran n'est que mensonge, et n'est que imagination, eh bien apportez une preuve, apportez un Coran similaire à celui-ci. Et Allah Azza wa Jalla a dit qu'ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas, ils n'ont pas pu le faire et ils ne pourront jamais le faire. Ils n'ont pas pu apporter un Coran ou un livre similaire au Coran dans son éloquence, dans ses sens, dans sa finesse, dans sa beauté, des paroles qui ne peuvent être émanées ou émanées que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla dit dans son noble livre, et si vous êtes dans le doute de ce que nous avons descendu envers notre serviteur, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apportez alors une sourate similaire à celle-ci. Apportez une sourate similaire et invoquez vos témoins en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Vous n'avez pas fait et vous ne ferez jamais. Alors craignez le feu dont le combustible sera où seront les gens et les pierres qui a été préparé pour les non-musulmans. Vous ne pourrez jamais. Et Allah Azza wa Jalla les a tout d'abord défiés d'apporter un Coran similaire. Ils n'ont pas pu. Puis d'apporter 10 sourates similaires. Ils n'ont pas pu. Et Allah Azza wa Jalla les a défiés en leur disant apportez alors ne serait-ce qu'une sourate similaire à une sourate du Coran. Ils n'ont pas pu et ils ne pourront pas. Thumma qala ta'ala أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء وهذا مستحيل أن يخلق الشيء من غير شيء أم هم الخالقون أي أم هم خلقوا أنفسهم وهذا مستحيل أيضا إذن فلا بد من خالق وهو الله سبحانه وتعالى ويقول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ذباب لا يستطيعون أن يخلقوه فكيف بهم هم كيف وجدوا وكيف كانوا أجسادا بروح وعقل هل هذا أي هل هم خلقوا أنفسهم أم هو الله Subhanahu wa ta'ala. Ont-ils été créés de rien ou bien sont-ils les créateurs? Ont-ils été créés de rien? C'est-à-dire, ces polythéistes qui ne croient pas en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont-ils été créés de néant? Cela n'est pas possible. Ou bien sont-ils eux les créateurs? Cela également n'est pas possible. Quelle est donc la dernière alternative? C'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers qui les a créés. Et celui qui les a créés, ils se doivent de l'adorer et de lui vouer un culte exclusif, subhanahu wa ta'ala. Et quant à toutes ces idoles qu'ils adorent, à toutes ces divinités qu'ils vénèrent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et bien comme l'a dit Allah Azza wa Jal, en donnant un exemple, ô vous les gens, un exemple vous a été donné, écoutez-le. Un exemple vous a été donné, écoutez-le. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient créer une mouche, même s'ils se réunissaient pour cela. Si toutes les divinités adorées dans le faux en dehors d'Allah Azza wa Jal se réunissaient leurs forces, réunissaient leur intelligence, réunissaient tous les pouvoirs dont ils disposent, toutes les technologies les plus avancées qu'ils ont atteintes, eh bien, ils ne sauraient créer ne serait-ce qu'une mouche. Ils seraient incapables de créer une mouche. Comment tout cet univers a donc été, avoir existé dans sa complexité? Et comment tous ces êtres humains, dans leur complexité et dans leur diversité, sont arrivés du jour au lendemain? N'y a-t-il pas un créateur? N'y a-t-il pas un sage derrière cela? N'y a-t-il pas un tout-puissant derrière toute cette création? Comme le dit un poète, et dans toute chose, il y a une preuve que c'est l'unique. toute chose que tu vois vivante, eh bien c'est une preuve éloquente, c'est une preuve qui parle d'elle-même et qui proclame que le seul et l'unique est Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم قال الله جل وعلا أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أي هل هم الذين خلقوا السماوات والأرض؟ والحقيقة والسبب الحقيقي في إعراضهم عن الإيمان بالله أنهم لا يوقنون، لا يوقنون لأن الله خلق السماوات والأرض ولو قالوا بألسنتهم. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أي أعند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك فيعطوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون، فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده صلى الله عليه وسلم، فليس بيدهم وليس لأنفسهم نفع ولا ضر ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور. أم هم المسيطرون، أي أهم المتسلطون على خلق الله وملكه؟ لا، بل هم العاجزون الفقراء. Puis Allah Azza wa Jalla dit, ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont pas la certitude. C'est-à-dire, bien au contraire, ils n'ont pas la certitude. C'est-à-dire que le fait qu'ils ne croient pas en Allah Azza wa Jalla et en son prophète sallam, eh bien, cela est dû au fait qu'ils n'aient pas la certitude et qu'ils sont atteints de la maladie du doute, une maladie qu'ils entretiennent au lieu de guérir, une maladie qu'ils entretiennent au lieu de guérir. Et c'est comme on le verra par la suite, et c'est pourquoi, quelles que soient les preuves qui leur sont apportées, quels que soient les miracles qui leur sont présentés, ils trouveront toujours une excuse, ils trouveront toujours une interprétation, car ils ont un doute et ils l'entretiennent. Ils n'œuvrent pas pour l'éradiquer, bien au contraire, ils déploient tous leurs efforts pour le confirmer et pour ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jalla dit, ont-ils les trésors de ton Seigneur, ou bien sont-ils les maîtres souverains, eux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jalla? Est-ce qu'ils ont les trésors d'Allah Azza wa Jalla? Est-ce qu'ils ont les trésors des cieux et de la terre? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de donner et de priver? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de donner la mort et de donner la vie? Sont-ils les maîtres souverains? Non. Alors pourquoi ne se soumettent-ils pas à Allah subhanahu wa ta'ala? ثم قال عز وجل أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي ألهم سلم يعرج بهم إلى السماء فيستمعون فيه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم، أي هذا الذي يدعي الاستماع، فليأتي بحجة بينة وبحجة واضحة قاطعة على ذلك. في الله عز وجل ميشيل qu'ils montent afin d'écouter, qu'ils apportent alors celui qui a écouté avec des preuves évidentes. C'est-à-dire, ont-ils une échelle qui leur permet de monter aux cieux et d'écouter ce que les anges disent? Ont-ils une échelle qui leur a permis de monter dans les cieux et d'entendre des choses qui leur permettent de contredire ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, à savoir que c'est l'envoyé d'Allah et qu'il a été envoyé par Allah Azza wa Jal pour ordonner aux gens de n'adorer que lui subhanahu wa ta'ala sans ne rien lui associer? Ont-ils une échelle qui leur a permis d'écouter des choses qui pourraient venir contredire ce qu'a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? S'ils prétendent cela, alors qu'ils apportent cette personne qui a entendu avec des preuves évidentes. Et bien sûr, ils en sont incapables et en seront jusqu'à jamais incapables. أم له البنات ولكم البنون تجرأوا على الله عز وجل فنسبوا إليه الولد وهو الله سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم اختصوا البنات لله سبحانه وتعالى وهم الذين كانوا يكرهون البنات كفار قريش قبل مجيء الإسلام وبعد مجيئه يكرهون البنات كما قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي وهو قلق وهو غضبان على هذه البشارة وهذا الخبر الذي يخبر به ألا وهو أنه رزق بنتا ما كانوا يفرحون بالبنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يجتنب قومه ويبتعد عنهم ولا يكون في مجالسهم ولا يمشي في طرقهم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أن يدسه في التراب أي هل يمسك هذه البنت على ذل وهوان وصغار وحقار أم أنه يدفنها تحت التراب ثم قال الله عز وجل ألا ساء ما يحكمون بئس هذا الحكم الذين يحكمون به في الله عز وجل دين Est-ce à lui ou les filles lui appartient-il et à eux les garçons? Ils ont attribué à Allah Azza wa Jalla des enfants et ont prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait des enfants et qu'Allah Azza wa Jalla soit exalté de ces accusations mensongères. Ils disent des paroles dangereuses, des paroles qui pourraient faire trembler les cieux et la terre. Allah Azza wa Jalla est le seul, l'unique, celui qui n'a besoin de personne, celui qui n'a pas enfanté et qui n'a pas été enfanté. Allah Azza wa Jalla n'a pas d'enfant, il n'a pas de parents. Allah Azza wa Jalla est le premier qui n'a pas de début et le dernier qui n'a pas de fin. Comment peuvent-ils prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des enfants et plus encore, ils prétendent qu'Allah Azza wa Jalla à des filles uniquement, mais ce sont eux qui ont les garçons. Alors que les polythéistes de la Mecque, avant l'arrivée de l'islam, détestaient les filles. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et lorsqu'on annonçait la bonne nouvelle à l'un d'entre eux d'une fille, son visage s'assombrissait de colère. Et il esquivait son peuple à cause de la terrible nouvelle qu'il venait de recevoir. Puis, il était entre deux bords, à savoir, va-t-il la garder en étant humilié, ou va-t-il alors l'enterrer sous terre? Et Allah Azza wa Jalla a dit, quel mauvais jugement! Va-t-il garder cette fille en lui infligeant la pire ou le pire des châtiments, en faisant de cette fille un esclave qui serait humilié, maltraité durant toute son existence, et de supporter l'humiliation de ses proches, l'humiliation de ses amis et autres, ou bien alors préférera-t-il l'enterrer sous terre vivante? Et Allah Azza wa Jalla dit, quel mauvais jugement, l'un comme l'autre. Quel mauvais jugement de maltraiter les femmes et de les humilier et de les restreindre à enfanter uniquement et à procréer et à être au service de son mari. Quel mauvais jugement et quel mauvais jugement également de l'enterrer vivante. Et Allah Azza wa Jalla donnera justice à cette fille qui aura été enterrée vivante lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et lorsque la fillette enterrée vivante sera questionnée, pourquoi a-t-elle été tuée? Quel est son péché pour qu'elle ait été enterrée vivante? Qu'a-t-elle fait de mal? Cette question lui sera posée et les injustes devront répondre de leurs actes et Allah Azza wa Jal établira la justice le jour du jugement. ثم قال تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أي هل تطلب منهم يا محمد أجرا على دعوتك إلى الله وعلى تعليمك لدين الله حتى ثقل ذلك عليهم والغرامة هو قطع أو قطع من المال مفروضا ومجبورا عليه. Puis Allah Azza wa Jalla dit, ou leur demandes-tu un salaire de sorte qu'ils considèrent cela comme une dette lourde ou comme une amende lourde? C'est-à-dire, ô Muhammad, demandes-tu de l'argent en retour de ton appel à l'islam? Demandes-tu une récompense financière à ces polythéistes dans ton appel à Allah Azza wa Jal et au fait de ne l'adorer que lui subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien lui associer? Leur demandes-tu de l'argent pour qu'ils considèrent cela comme une amende lourde à payer? Non. Le professeur sallam, son appel était gratuit. Celui qui voulait entrer et embrasser l'islam, il ne lui suffisait que de dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il ne lui était pas demandé de payer une adhésion, ou de payer un impôt, ou de verser un salaire, ou une récompense au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi étaient tous les prophètes et envoyés. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, en parlant de ces prophètes, nous voulons de vous ni récompense ni remerciement. Notre seul souci, c'est que vous adoriez Allah subhanahu wa ta'ala seul. Nous ne vous demandons dans cela aucune contrepartie. Leur demandes-tu de l'argent sur ton appel? Ils considèrent cela comme une dette monstrueuse ou comme un impôt difficile à régler? Non. Non. Cela n'est pas demandé. Mais comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, ne crois pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne croit pas en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ceci la véritable raison de leur détournement de l'islam. Wa nas'alullaha azza wa jal an yu'allimana ma jahilna wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yarzuqana ath-thabata 'ala dinik. Allahumma thabbitna 'ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulub ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد شره فيه ومن أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا قوي يا عزيز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.